source. Non, tu fais la bonne job. D'accord. On va faire un duplicate, tu vois. Ouais, c'est bon. Exode 18. Êtes-vous prêts? Il y a de l'action dans Exode, là. Il faut être réveillé. On a vu dans Exode 14, 15, 16 et 17, donc les quatre derniers chapitres, que Israël, le peuple choisi de Dieu, murmure. Et puis, murmurer, hein, dans le sens de pas chuchoter. Murmurer dans le sens de chialer, bougonner, critiquer. Donc, dans le passage de la mer Rouge, « Ah non, on va mourir ici, dans le désert de Mara, dans le désert de Sin, à Réphidim, où Dieu donne la manne. » Donc, le peuple d'Israël bougonne. Et puis là, ici, dans Exode 18, il y a comme un shift, il y a comme un changement. On est juste avant d'arriver au mont Sinaï. Et puis, il y a comme un changement de rythme. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Mais en gros, ça fait quatre chapitres qu'Israël s'en prend à Dieu. Ils vont bougonner, ils vont murmurer, mais à qui? Bon, évidemment à Moïse, qui est comme l'interprète, mais ultimement, critiquer Dieu de les avoir sortis d'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Et puis là, c'est intéressant parce qu'on va voir autre chose. On va voir quelque chose dans Exode 18. Puis avant qu'on rentre dans le détail, en fait, je vous donne un défi. Vous, là, cette semaine, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a fait bougonner? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, ce matin, vous fait bougonner? Hein, qui vous met de mauvaise humeur? En grogne un peu, là. Ben, fâchez-vous pas, là, mais en grogne un peu. Moi, oui. Et puis pour intro, puis fait intéressant, je trouve que ça fait bien le pont avec ce que Christian lisait. Je vous propose le passage Éphésiens 4, 11 à 15, qui est l'intro, mais on va y revenir plus vers la fin. Je vous lis ça. Donc, Éphésiens 4, 11 à 15. Verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Pourquoi je vous lis ce passage-là? On dirait que c'est loin d'Exode, hein? Mais pas vraiment, en fait. Parce qu'on parle souvent du corps de Christ, on parle souvent de cette unité-là en Christ, dans l'Église de Christ, de l'édification dans la charité, de l'unité dans la foi, ce lien-là qui nous dépasse, en fait. Bien, en fait, si on considère que Moïse est en quelque sorte un type de Christ, l'interprète de Dieu, mais humain, hein, bien, le peuple d'Israël est aussi un type, si on veut, de l'Église. Et donc, dans Exode 18, ce qu'on observe, bien, c'est un exemple à ne pas suivre, mais c'est quand même un exemple à réfléchir. En fait, quand on lit dans le verset, c'était dans quel verset que j'ai lu, là, emporté à tout vent de doctrine, voilà, c'est le verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Bien, en fait, Israël, à tous les jours, je vous le rappelle, là, à tous les jours, il y a la nuée de Dieu avec eux, Et à toutes les nuits, il y a la colonne de feu de Dieu avec eux. Dieu est toujours avec eux physiquement, là. Et donc, malgré tout, ils sont emportés, flottants et emportés. On l'a vu là, dans les chapitres 14, 15, 16 et 17. Et donc, il y a un apprentissage, il y a une réflexion à tirer de ça. Et puis, la question que je vous pose, bien, c'est en lien avec ça, c'est quelle attitude adoptez-vous? Vous avez donné votre vie à Christ, vous avez dit « Dieu, je te reconnais, je te suis ». Quelle attitude adoptez-vous vis-à-vis de l'Éternel dans toutes ces situations-là? Est-ce que vous êtes un bon témoignage de la grâce que Dieu vous accorde? Ou est-ce que vous murmurez quand il y a des obstacles? Est-ce que vous êtes engagé à laisser Dieu vous perfectionner? Ou est-ce que vous murmurez dans le désert? Donc, ce matin, on va regarder Exode 18, on va voir deux exemples concrets, vraiment applicables à nos vies, grâce à l'expérience du peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, qui est transmis par la parole dont on bénéficie. Hein? C'est une bénédiction en soi d'avoir l'opportunité de bénéficier de toute cette expérience-là, qui nous permet de voir que l'Éternel, dans le fond, nous appelle à être des témoins, et des témoins actifs, à nous engager dans la démarche de perfectionnement qu'il nous offre, qui est une grâce infinie. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Mais avant de se lancer dans les différents blocs du texte, on va le lire. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le livre d'Exode, dont l'auteur est Moïse, et puis qui raconte, dans le fond, toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et puis là, on est dans... je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Michel avait fait l'introduction d'Exode, il avait expliqué qu'il y avait comme essentiellement trois grands blocs. On est dans le deuxième bloc, juste avant de rentrer dans le troisième bloc, qui est tout ce qui se passe au mont Sinaï. Donc, on va le lire ensemble. Moi, j'ai une version Louis II dans les mains, et puis je vous l'affiche pour simplifier. Puis je pourrais pointer aussi certains éléments que je vous ai soulignés. Ben, vous me connaissez de toute façon, là, j'aime ça mettre des blocs puis des morceaux là, dans c'est ma préparation et je vous la partage. Donc, on va lire ça ensemble, les versets 1 à 12 dans un premier temps. Exode 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrées. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. » Je prends une petite pause ici parce qu'il y a quelques éléments vraiment, vraiment importants dans ce premier bloc-là du texte. Je les ai mis en bleu pour aider un peu, mais on se rappelle que dans Exode 6, qui fait cocasse, c'était le dernier chapitre que j'ai eu à creuser, là, je pense que c'était en juillet que que j'ai eu le bénéfice d'enseigner Exode 6. Mais en fait, il y a un point intéressant, c'est que on revient au fait que Dieu dit à Moïse dans Exode 6, « Vous allez maintenant savoir que je suis l'Éternel. » Puis on avait vu, il passe de Dieu Tout-Puissant à Dieu Éternel. Là, c'est intéressant parce que Jéthro dit au verset 11, là, « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Et puis là, ils font un repas en présence de Dieu. Donc, Jéthro, lui, il est madianite. Il n'est pas Israël, il n'est pas le peuple choisi de Dieu. Puis ça, c'est important. Les madianites, c'est qui, en fait? J'ai creusé un peu ça, là. En fait, Madian, donc c'est les enfants de Madian qui sont les madianites qui vivent dans la région de Madian. Jusque-là, c'est assez cohérent. Ce sont en fait les fils, là, la descendance de Keturah, qui était une concubine d'Abraham. On voit ça dans Genèse 25, 1 à 6, si vous voulez valider. Puis en fait, fait aussi intéressant, c'est que c'est des marchands madianites qui vendent Joseph à Potiphar. En fait, les madianites reviennent plusieurs fois dans le texte. Ils vont revenir même plus tard, et dans certains cas, comme ennemis d'Israël. Donc, les madianites, ils connaissent Dieu, mais est-ce qu'ils reconnaissent qui est Dieu? C'est une autre chose. Donc, tu sais, si Jéthro est sacrificateur de Madian, on s'entend que, à quelque part, il connaît Dieu. Mais là, il dit, « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Dans la région où ils sont, près de l'Égypte, il y en a plein des dieux. Et là, ce que Jéthro affirme ici, Jéthro qui est, je le rappelle, mais comme extérieur à Israël, ce qu'il reconnaît, c'est pas peu. C'est vraiment quelque chose de significatif. Et le fait qu'ils sont, les Madianites, bien, Jéthro en particulier, l'individu, mais on peut l'imaginer, les Madianites sont touchés par l'Éternel et tout ce qui se passe, bien, ça fait réfléchir parce que tu dis, OK, mais si tout le monde, tu sais, si eux ont appris la chose, bien, quelque part, le monde entier est probablement au courant de la chose. Donc, je continue avec le texte, mais on va y revenir. Donc, si on continue au verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourrais pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant lui. » Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes, sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. » Donc, distribue ta charge, en d'autres termes. Ici, un point important que je veux mettre en lumière, c'est que donc Moïse est présentement l'intermédiaire de Dieu. Puis Jéthro, ce qu'il lui dit, c'est « Non, mais c'est parce que tu ne peux pas prendre tout ça sur tes épaules. C'est trop lourd pour toi. Ça va décourager tout le monde. » Et puis, il dit « Nomme des hommes, okay, capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité. » Pourquoi je mets ça en lumière? Ça, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est... Je suis sûr que vous avez déjà vu le lien avec l'instauration des diacres dans Actes. Il y a comme un lien ici, intéressant. On va en reparler tantôt. Et puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est que, OK, donc ils ont murmuré, le peuple a murmuré, mais pas tout le monde. Il y en a certains, à quelque part, qui ont pris une maturité. S'il y a des hommes capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité, c'est qu'à quelque part, tous ne sont pas dans un mode de critiquer Dieu. OK? Donc, à garder en tête, et puis ensuite, on finit le passage, puis je vais mettre l'accent sur un dernier point. Donc, les versets 23 à 27. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Donc c'est comme ça que ça finit le chapitre 18. Mais ici, juste peut-être un point intéressant que j'ai mis visuellement, des fois ça aide. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Ils sont 600 000 hommes de pied. Donc, chef de 1000, ça veut dire que si on garde les proportions, toutes proportions gardées, ça veut dire 600 personnes. Moïse faisait la job de 600 personnes. C'est pas rien, là. Juste en gestion, là, je vous partage que ce n'est pas un best practice. Et donc, ensuite, chef de 100, ça veut dire qu'ils sont 6 000. Chef de 50, ça veut dire qu'ils sont 12 000. Chef de 10, ça veut dire qu'ils sont 60 000. C'est 78 600 personnes qui se répartissent la charge. Et ils pouvaient bien être fâchés puis vouloir le lapider. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Personne sauf Christ. Donc, en fait, ici, on a un exemple d'organisation, mais on a aussi une différence d'organisation avec l'Église que nous, on a le bénéfice de pouvoir vivre aujourd'hui. Donc, si on revient, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu sais, on revient à ça vient du dernier enseignement que j'avais fait, là, Exode 6. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, mais on parle de El Shaddai, le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, au Dieu éternel, celui qui est l'existant, je suis celui qui suis, hein, dit Dieu à Moïse. Donc, si on revient à ça, Dieu instruit patiemment sa personne, son éternité, son omniprésence, son omniscience, de Dieu Tout-Puissant qui fait des miracles, au Dieu éternel, qu'on ne peut comprendre qu'avec l'expérience en tant qu'enfant de Dieu. Bien, en fait, ici, je remets l'accent sur le fait qu'il n'y a pas que Moïse, Israël, les Égyptiens, inévitablement, qui voient ça. Il y a aussi le monde entier. Donc, si Jéthro arrive et même contribue à quelque sorte à amener Moïse à réfléchir, bien, le monde entier est témoin de la chose. Donc, c'est ça, en fait, le premier exemple. C'est qu'Israël, ici, donne... Donc, à travers les passages qu'on a lus, si on les regarde, là, donc, ce qui arrive à Israël dans cette situation-là, puis je vous le rappelle, mais Moïse raconte à Jéthro la sortie d'Égypte, mais aussi, là, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le texte, là, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon, à l'Égypte, à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin. Il leur parle des murmures, là, des souffrances, de « on n'a plus d'eau, on n'a plus de manger, on est dans la souffrance. » Il leur parle de l'ensemble de l'histoire. Mais ça nous démontre qu'Israël et ce qu'ils vivent, les grâces incroyables pour les autres, mais eux le vivent, et les épreuves que Dieu accompagne, c'est comme un phare pour Jéthro. Jéthro qui apprend à reconnaître vraiment qui est Dieu. Et donc, cet élément-là amène à quelque sorte une réflexion que je veux vous partager. Cet exemple-là, bien, c'est qu'en fait, Israël, est-ce qu'ils sont vraiment les bons témoins de la chose? Ça, ça fait réfléchir par rapport à l'Église. Donc, si on regarde, j'ai retenu quelques passages qui amènent justement à réfléchir à quelque part à l'attitude que l'Église doit prendre. 1 Pierre 2, 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, et c'est tout aussi applicable à Israël, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, on dit souvent que l'Ancien Testament pointe vers Jésus, pointe vers le Messie, l'accomplissement, Dieu qui sauve. Mais ici, on en a un passage qui est très, très pertinent par rapport à cette notion-là. Matthieu 5, 13 à 16. Donc, même Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Je vous lis le passage au complet. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, Israël, ici, est le premier observateur, le premier bénéficiaire, le premier témoin dans le sens de voir la chose des gloires de Dieu. Tous les jours, ils sont observateurs, ils voient la chose. Okay? Donc, ils doivent aussi témoigner de la chose. Puis là, ici, je ne parle pas d'un témoin comme dans un procès là, qui dit, ben moi, je vois ça, mais il n'est pas partie prenante à la chose. Ici, je parle de témoigner dans le sens de activement témoigner. C'est-à-dire, je suis capable d'agir en fonction du fait que je vois la chose. Et là, Israël voit la chose à tous les jours. Donc, il n'y a pas d'une distance, ils sont partie prenante dans la chose. Et pour illustrer ça, à quelque part, puis transposer ça sur l'Église, bien, en fait, si je vous dis, imaginez ça, là, imaginez un cadeau là, qui pour vous est significatif, là, un cadeau qui est tellement gros, là, vous pensez pas avoir ça. OK? Vous ne pensez pas que c'est possible pour vous d'avoir ça. Si Edan était là, là il dirait une Lamborghini. Bon. Alors, non, il dirait, non, je pense qu'il pense que c'est possible. En tout cas, bref, vous me suivez. Imaginez pour vous le cadeau le plus significatif. OK? Puis imaginez que je vous le donne. Vous l'avez, là. Est-ce que vous êtes content? Hein, vous êtes content? Est-ce que vous êtes content longtemps? Moins, hein? Ça dure une certaine période, puis à un moment donné, ça devient comme moins intéressant. Bien, l'Église, ce que Dieu vous donne comme cadeau, c'est l'éternité. L'éternité, à comparer d'une Lamborghini ou de n'importe quel cadeau que vous imaginez dans votre tête, c'est quoi? C'est le cadeau est rien. Effectivement, à comparer à l'éternité. Allez-vous être content longtemps? Hein? Éternellement, mettons? Et puis pour illustrer ce éternellement-là, on va le transposer sur Colossiens 1, 10 à 14. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Toujours, toujours dans le sens de toujours. Et quand ça va mal, Hébreux 12, 10 à 14, parce que des fois ça va mal, mais comment ça se fait? Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, c'est vrai, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, on a la parole de Dieu dans les mains, on a l'exemple, le premier exemple d'Israël qui ne sont pas témoins à tout moment. Puis on le sait, là, on va en reparler, mais on le sait qu'Israël va passer 40 ans dans le désert. Ce que j'ai trop dit en disant qu'ils vont arriver heureusement à leur destination, bien, ça n'arrive pas vraiment, parce qu'en fait, ils vont passer 40 ans dans le désert, puis c'est la génération d'après qui va arriver heureusement à la destination. Mais pourquoi on voit ça? Bien, c'est parce que nous, qui connaissons l'ensemble de la parole, on sait que tout ça pointait vers Christ, vers le fait que par leur propre force, Israël, même Moïse en tant qu'intermédiaire, entre Dieu et le peuple, il manquait Christ. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui vient sauver avec Jésus. Donc, on a passé de murmure à témoin, à témoignage. Mais témoin actif ou passif? Tu sais, témoin engagé ou ben, comme le monsieur, là. Est-ce qu'il y a de l'air d'un témoin engagé? Mais il n'est plus en train de murmurer. Il y a un changement d'attitude. Mais il est encore sur les lignes de côté, les bras croisés. Donc, ça ne s'arrête pas là. Et là, dans le deuxième exemple, qui correspond aussi au deuxième bloc du texte, quand Moïse va nommer les chefs de chefs de chefs, et puis que ça fait une référence à Acte 6, l'instauration des diacres, mais en fait, c'est ce deuxième exemple-là qui est aussi un apprentissage important pour l'Église aujourd'hui. C'est le même cheminement, si je peux le dire ainsi, que l'organisation de l'Église de Christ en engageant des diacres. Je vous le lis. Donc, c'est dans Acte 6. C'est six versets, là, 1 à 6. Je pourrais lire tout le passage, mais bon, on va s'arrêter là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent. Intéressant. Même mot. Mais là, on est en grec, mais même mot. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition a plu à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les caractéristiques sont très similaires, mais la manière de faire est un petit peu différente. Et il y a une caractéristique, plein d'Esprit Saint, qui est fondamentale ici. Plein d'Esprit Saint, c'est plein de « je me laisse guider par Christ ». Donc, l'organisation du peuple en fonction de la sagesse d'Israël, c'est la sagesse de l'expérience du cheminement avec Dieu, ce qui est correct. Mais ici, on a la dimension de Dieu qui agit en moi à travers l'Esprit-Saint. Donc, d'immaturité spirituelle. Ici, je parle de maturité ou d'immaturité spirituelle, vraiment un niveau de cheminement avec Dieu. Donc, d'immaturité spirituelle, par exemple, dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Donc, immaturité spirituelle, hommes charnels, comme à des enfants en Christ. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas même à présent. » Parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, on voit là, c'est facile de transposer ça sur la situation d'Israël. Encore là, pas tous étaient en train de murmurer activement, mais il y en avait qui étaient dans le mode de dispute. Vous savez, dans le verset, dans le chapitre 16, on en parlait, là, des disputes. Donc, de cet état-là, à l'état de maturité spirituelle. Philippiens 2, 12 à 15 en parle. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez, la maturité spirituelle, ce n'est pas « je suis parvenu ». C'est « travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Encore là, faites toutes choses sans murmure, encore une fois sans murmure, ni hésitation pour être des flambeaux dans le monde. Donc, on sait que Israël ne va pas réussir ça, mais nous fournissant l'exemple du fait qu'en Christ, tout est possible. Aucun d'eux ne va entrer dans la terre promise. Puis nous, on a la parole pour réfléchir à ça. Même si Dieu pave le chemin devant eux, sans lui qui nous sauve dans la situation, activement, hein, Jésus, le chemin, la vérité que Dieu sauve, Dieu nous sauve et que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est écrit là. Désolé pour ceux qui sont en dessous. Donc, en fait, de murmure à témoin, bien, il y a un appel à s'engager. Et puis là, on voit les enfants guidés par l'éducateur dans la photo, mais par Dieu, vers l'engagement. Et puis c'est ça ici, c'est que la structure que Israël se donne, la structure qui est donnée au diacre, c'est pas l'organisation qui est importante, tant que l'organisation qui amène à ce que les individus individuellement, donc Dieu qui vous sauve personnellement et individuellement, Dieu qui vient vous chercher dans votre réalité individuellement, avec qui, en investissant dans ce lien-là, il vous amène à grandir, hein? Donc il vous tend la main, et si vous l'acceptez, vous grandissez avec Dieu. 1 Corinthiens 14, 20 que j'ai mis ici parce que je trouvais que c'était pertinent. « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Donc, en d'autres mots, des enfants au regard du monde, mais des adultes sages au regard de Dieu. C'est ça que Hébreux explique. Donc, Hébreux 5, 11 à 14, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ici l'auteur s'adresse aux Hébreux, évidemment. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres de la loi, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, l'exercice que Dieu vous donne à chacun individuellement est aussi complémenté, et là, c'est le point ici de l'engagement, par le fait que Dieu donne l'Esprit-Saint et l'Église de Christ, l'union entre frères et sœurs en Christ. Donc, Éphésiens 4, 11 à 15, que j'ai lu au début en introduction, je vous avais promis qu'on y reviendrait. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc là, Moïse, il nomme des chefs et des chefs de chefs, mais le chef, c'est Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Les liens entre chaque individu de l'Église sont essentiels et fondamentaux, en plus du lien de chaque individu avec Dieu dans sa croissance personnelle. Et ça, ben c'est grâce aux exemples d'Israël qu'on est vraiment capable de le saisir en quoi Christ sauve. Donc, les liens entre moi, mes frères et sœurs, dans l'Église de Christ, Jésus qui est le chemin vers Dieu, bien, ça vient avec, à quelque part, un encouragement et un appel sur lequel je vais conclure, c'est-à-dire de passer de murmure dans les situations. Je ne suis pas en train de dire que vous murmurez tout le temps, là. Mais on en parlait au début, hein, bien, moi, ça m'arrive de murmurer, de bougonner, d'avoir des sujets de bougonnement. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. De passer de cet état-là, de cette attitude-là, à une attitude de témoin actif et engagé, persévérant dans la foi. Chaque jour davantage, persévérant dans votre relation avec votre Père éternel et investissant dans vos liens avec vos frères et sœurs en Christ. Parce que Israël n'avait pas ça. Nous fournissons l'exemple de la bénédiction et de la grâce de Dieu dans nos vies qu'on a aujourd'hui. Merci. Bonne semaine.